à refaire société, à reconstruire le lien qui nous unit tous ensemble en tant que Français. Bon, et cette idée-là d'une société, enfin en tout cas l'idée de la refondation, elle est au cœur aussi des événements de 403. Et puis refondation de la démocratie athénienne. Paulin Ismar, vous êtes spécialiste des esclaves dans l'Antiquité, avec toute la réflexion, et ça vaut pour la démocratie antique, de ceux qui sont exclus, faire société, sachant que dans la société certains sont exclus. Bien sûr, et c'est quand même une grande question qui traverse le livre. En réalité, est-ce qu'on peut véritablement parler de société athénienne? Ça ne va pas de soi. D'abord, il n'y a pas de terme en grec qui correspond à nous, ce que nous entendons sous le terme de société. Hein. Quand les Athéniens se représentent leur société, d'abord, il y a une distinction absolument cardinale qui organise le monde social. C'est le monde des libres et le monde des esclaves, qui sont deux mondes absolument différents dans la façon dont les Grecs se représentent leur société. Et en même temps, n'empêche que dans l'ensemble de la vie sociale, il y a plein d'espaces partagés dans lesquels les libres et les esclaves vivent d'une manière ou d'une autre ensemble. Et donc, on s'est intéressé à une ou deux figures d'esclaves qui apparaissent au cours des événements de l'année 404-403 pour essayer de restituer à la fois ce qui les différencie irrémédiablement et ce qui les coupe définitivement du monde des libres, et en même temps la façon dont ils participent à l'ensemble de cette société. Donc oui, la question de l'unité de cette société et des grandes coupures qui la traversent sont évidemment au cœur du livre. Bah écoutez, merci beaucoup Paulin Ismar, Vincent Azoulay, pour cette histoire chorale avec de l'émotion, hein, parce que dans le cœur il y a la chorale, mais dans le cœur il y a celui qui bat aussi. C'est Athènes 403, publié aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à vous deux. Nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel. Oui, plaisir du pourquoi, du comment. Une question que nous nous posons tous et une réponse éclairante, celle de Gérard Noiriel. Comment faire de l'histoire pour la télévision? En 2018, Le Temps des Rois, un livre de Stéphane Bern, l'animateur de l'émission Secret d'Histoire, a été distribué à 50 000 élèves des écoles primaires. Le but était d'intéresser davantage les élèves à la grande histoire, en prenant appui sur ce qu'ils étaient censés voir à la télévision. Cette initiative a suscité un tollé chez les enseignants, à tel point que l'Association des professeurs d'histoire-géographie est intervenue publiquement pour la critiquer. Cette affaire posait en effet deux types de problèmes. Le premier, sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui, concernait les rapports entre le monde de l'audiovisuel et celui de l'éducation nationale. Le second problème, c'est la façon dont les chaînes télévisées du service public traitent l'histoire de France aujourd'hui. Les deux principales émissions à caractère historique, que ce soit Secret d'Histoire ou Laissez-vous guider, sont animées par Stéphane Bern et Laurent Deutsch, des journalistes producteurs qui ont souvent affiché leur penchant royaliste. C'est sans doute ce qui explique que l'histoire du peuple français soit présentée à partir des exploits des grands hommes, la valorisation du patrimoine national servant de prétexte pour légitimer ses vues d'en haut. Un fossé énorme s'est ainsi creusé avec la recherche et l'enseignement de l'histoire, ce qui n'est pas sans conséquences politiques étant donné la place qu'occupe l'histoire dans les combats idéologiques français. Le moins qu'on pourrait attendre d'une chaîne publique, c'est qu'en matière d'histoire, elle respecte le même pluralisme qu'elle affiche quand il s'agit d'inviter les responsables des partis politiques. Le sentiment d'être ignoré explique les critiques récurrentes des historiens à l'égard de ces émissions. Il y a quelques années, des collègues ont même inventé un jeu sur Twitter qu'ils ont appelé le Bingo Bern. Le but était de recenser les erreurs et les clichés de Secret d'Histoire et la façon dont les spécialistes sont utilisés comme caution dans ces émissions. Les responsables de cette série se sont justifiés en affirmant qu'ils s'inspiraient de l'école des Annales pour préparer leurs sujets. Pourtant, Marc Bloch et Lucien Febvre, les fondateurs de cette école historique, ont constamment défendu une histoire problème que dément le titre même de l'émission animée par Stéphane Bern. Les secrets d'histoire ne sont pas des problèmes historiques, car le rôle de l'historien n'est pas de regarder par les trous de serrure pour dévoiler ce qu'on nous aurait caché jusqu'ici. Sa fonction première, c'est de comprendre et d'expliquer le passé. Il est certain que la quête des secrets, le privilège accordé aux têtes couronnées et aux grands génies de l'humanité sont des thèmes qui plaisent au grand public. Néanmoins,